Les chasseurs de chevelure. Livre audio gratuit, un roman de Thomas Capitaine Menred. Traduit de l'anglais par Alir Bureau. Lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.common. Introduction, les solitudes de l'Ouest. Dérouler la map monde et jeter les yeux sur le grand continent de l'Amérique du Nord. Au-delà de l'Ouest sauvage, plus loin vers le couchant, portez vos yeux. Franchissez les méridiens. N'arrêtez vos regards que quand ils auront atteint la région où les fleuves aurifères prennent leur source au milieu des pics couverts de neiges éternelles. Arrêtez-les là. Devant vous se déploie un pays dont l'aspect est vierge, tout contact des mains de l'homme. Une terre portant encore l'empreinte du moule du Créateur, comme le premier jour de la création. Une région dont tous les objets sont marqués à l'image de Dieu. Son esprit, que tout environne, vit dans la silencieuse grandeur des montagnes et parle dans le mugissement des fleuves. C'est un pays où tout respire le roman et qui offre de riches réalités à l'esprit d'aventure. Suivez-moi en imagination à travers des scènes imposantes d'une beauté terrible, d'une sublimité sauvage. Je m'arrête dans une plaine ouverte. Je me tourne vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Et de tous côtés, j'aperçois le cercle bleu du ciel qui m'environne. Ni roc, ni arbre ne vient rompre la ligne de l'horizon. De quoi est couverte cette vaste étendue? D'arbres? Non. D'eau? Non. D'herbe? Non. Elle est couverte de fleurs. Aussi loin que mon œil peut s'étendre, il aperçoit des fleurs, toujours des fleurs, encore des fleurs. C'est comme une carte coloriée, une peinture brillante, émaillée de toutes les fleurs du prisme. Là-bas, le jaune d'or, c'est l'héliante, qui tourne son disque cadrant vers le soleil. À côté, l'écarlate. C'est la mauve qui élève sa rouge bannière. Ici, c'est un parterre de la monarda pourpre. Là, c'est l'euphorbe étalant ses feuilles d'argent. Plus loin, les fleurs éclatantes de l'asclepia font prédominer l'orange. Plus loin encore, les yeux s'égarent sur les fleurs roses du cléum. La brise les agite. Des millions de corolles font flotter leurs étendards éclatants. Les longues lignes des héliantes se courbent et se relèvent en longues ondulations, comme les vagues d'une mer dorée. Ce n'est pas tout. L'air est plein de senteurs douces, comme les parfums de l'Arabie et de l'Inde. Des myriades d'insectes agitent leurs ailes charmantes, semblables à des fleurs. Les oiseaux mouches voltigent alentour, brillant comme des rayons égarés du soleil, ou se tenant en équilibre, par l'agitation rapide de leurs ailes, boivent le nectar au fond des corolles. Et l'abeille sauvage, les aisselles chargées, grimpe le long des pistils mielleux, ou s'élance vers sa ruche lointaine avec un murmure joyeux. Qui a planté ces fleurs? Qui les a mélangées dans ces riches parterres? La nature, c'est sa plus belle parure, plus harmonieuse dans ses nuances que les écharpes de cachemire. Cette contrée, c'est la mauvaise prairie. Elle est mal nommée. C'est le jardin de Dieu. La scène change. Je suis, comme auparavant, dans une plaine environnée d'un horizon, dont aucun obstacle ne brise le cercle. Qu'ai-je devant les yeux? Des fleurs? Non, pas une seule fleur ne se montre, et l'on ne voit qu'une vaste étendue de verdure vivante. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, s'étend l'herbe de la prairie, verte comme l'émeraude et unie comme la surface d'un lac endormi. Le vent rase la plaine, agitant l'herbe soyeuse. Tout est en mouvement, et les taches d'ombre et de lumière qui courent sur la verdure ressemblent aux nuages pommelés, fuyant devant le soleil d'été. Aucun obstacle n'arrête le regard qui rencontre par hasard la forme sombre et hérissée d'un buffalo ou la silhouette déliée d'une antilope. Parfois, il suit au loin le galop rapide d'un cheval sauvage, blanc comme la neige. Cette contrée est la bonne prairie, l'inépuisable pâturage du bison. La scène change. Le terrain n'est plus uni, mais il est toujours verdoyant et sans arbres. La surface affecte une série d'ondulations parallèles s'enflant çà et là, en douces colonnes arrondies. Elle est couverte d'un doux tapis de brillantes verdures. Ses ondulations rappellent celles de l'océan, après une grande tempête, lorsque les frises d'écume ont disparu des flots et que les grandes vagues s'apaisent. Il semble que ce soit des vagues de cette espèce qui, par un ordre souverain, se sont tout à coup fixées et transformées en terre. C'est la prairie ondulée. La scène change encore. Je suis entouré de verdure et de fleurs. Mais la vue est brisée par des massifs et des bosquets de bois taillis. Le feuillage est varié, ses teintes sont vives et ses contours sont doux et gracieux. À mesure que j'avance, de nouveaux aspects s'ouvrent à mes yeux. Des vues pittoresques et semblables à celles des plus beaux parcs. Des bandes de buffalo, des troupeaux d'antilopes et des hordes de chevaux sauvages se mêlent dans le lointain. Des dindons courent dans le taillis et des faisans s'envolent avec bruit des bords du sentier. Où sont les propriétaires de ces terres, de ces champs, de ces troupeaux et de ces faisanderies? Où sont les maisons, les palais desquels dépendent ces parcs seigneuriaux? Mes yeux se portent en avant. Je m'attends à voir les tourelles de quelques grandes habitations percées au-dessus des bosquets. Mais non, à des centaines de milles alentour, pas une cheminée n'envoie sa fumée au ciel. Malgré son aspect cultivé, cette région n'est foulée que par le mocassin du chasseur ou de son ennemi, l'Indien rouge. Ce sont les Mottes, les îles de la prairie semblables à une mer. Je suis dans une forêt profonde. Il est nuit et le feu illumine de reflets rouges tous les objets qui entourent notre bivouac. Des troncs gigantesques, pressés les uns contre les autres, nous entourent. D'énormes branches, comme les bras gris d'un géant, s'étendent dans toutes les directions. Je remarque leur écorce. Elle est crevassée et se dessèche en larges écailles qui pendent au dehors. Des parasites semblables à de longs serpents s'enroulent d'arbre en arbre, étreignant leurs troncs comme s'ils voulaient les étouffer. Les feuilles ont disparu, séchées et tombées, mais la mousse blanche d'Espagne couvre les branches de ses festons et pend tristement comme les draperies d'un lit funèbre. Des troncs abattus, de plusieurs yards de diamètre et à demi pourris, gisent sur le sol. Aux extrémités s'ouvrent de vastes cavités où le porc épique et l'opossum ont cherché un refuge contre le froid. Mes camarades, enveloppés dans leurs couvertures et couchés sur des feuilles mortes, sont plongés dans le sommeil. Ils sont étendus, les pieds vers le feu et la tête sur le siège de leur selle. Les chevaux, réunis autour d'un arbre et attachés à ses plus hautes branches, semblent aussi dormir. Je suis éveillé et je prête l'oreille. Le vent qui s'est élevé siffle à travers les arbres et agite les longues floques blanches de la mousse. Il fait entendre une mélodie suave et mélancolique. Il y a peu d'autres bruits dans l'air, car c'est l'hiver, la grenouille d'arbre, Free Frog, et la cigale se taisent. J'entends le pétillement du feu, le bruissement des feuilles sèches roulées par un coup de vent, le couhouhouha du hibou blanc, l'aboiement du raccoon, et par intervalle le houlement des loups. Ce sont les voix nocturnes de la forêt en hiver. Ces bruits ont un caractère sauvage. Cependant, il y a dans mon sein une corde qui vibre sous leur influence et mon esprit s'égare dans des visions romanesques pendant que je les écoute, étendus sur la terre. La forêt en automne est encore garnie de tout son feuillage. Les feuilles ressemblent à des fleurs, tant leurs couleurs sont brillantes. Le rouge, le brun, le jaune et l'or s'y mélangent. Les bois sont chauds et glorieux maintenant, et les oiseaux voltigent à travers les branches touffues. L'œil plonge enchanté dans les longues percées qu'égayent les rayons du soleil. Le regard est frappé par l'éclat des plus brillants plumages, le vert doré du perroquet, le bleu du jais et l'aile orange de l'oriole. L'oiseau rouge voltige plus bas dans les taillis des verts pot-pot, ou parmi les petites feuilles couleur d'ambre des buissons de hêtre. Des ailes légères, par centaines, s'agitent à travers les ouvertures du feuillage, brillant au soleil de tout l'éclat des pierres précieuses. La musique flotte dans l'air, doux chant d'amour, le cri de l'écureuil, le roucoulement des colombes appareillées, le ratata du pivert et le tirop perpétuel et mesure de la cigale résonnent ensemble. Tout en haut, sur une cime des plus élevées, l'oiseau moqueur pousse sa note imitative et semble vouloir éclipser et réduire au silence tous les autres chanteurs. Je suis dans une contrée où la terre de couleur brune est accidentée et stérile. Des rochers, des ravins et des plateaux de sol aride, des végétaux de formes étranges croissent dans les ravins et pendent des rochers. D'autres, de figures sphéroïdales, se trouvent sur la surface de la terre brûlée. D'autres encore s'élèvent verticalement, à une grande hauteur, semblables à de grandes colonnes cannelées et ciselées. Quelques-uns étendent des branches poilues et tordues, hérissées de rugueuses feuilles ovales. Cependant, il y a dans la forme, dans la couleur, dans le fruit et dans les fleurs de tous ces végétaux, une sorte d'homogénéité qui les proclame de la même famille. Ce sont des cactus, c'est une forêt de nopals du Mexique. Une autre plante singulière se trouve là. Elle étend de longues feuilles épineuses qui se recourbent vers la terre. C'est l'agave, le célèbre mezcal du Mexique, mezcal plante. Ça et là, mêlés aux cactus, croissent des acacias et des mesquites, arbres indigènes du désert. Aucun objet brillant n'attire les yeux. Le chant d'aucun oiseau ne frappe les oreilles. Le hibou solitaire s'enfonce dans des fourrés impénétrables. Le serpent à sonnette se glisse sous le rond-point épaisse et le coyote traverse en rampant les clairières. J'ai gravi montagne sur montagne et j'aperçois encore des pics élevant au loin leurs têtes couronnées de neiges éternelles. Je m'arrête sur une roche saillante et mes yeux se portent sur les abîmes béants et endormis dans le silence de la désolation. De gros quartiers de roches y ont roulé et gisent amoncelés les uns sur les autres. Quelques-uns pendent inclinés et semblent n'attendre qu'une secousse de l'atmosphère pour rompre leur équilibre. De noirs précipices me glacent de terreur. Une vertigineuse faiblesse me gagne le cerveau. Je m'accroche à la tige d'un pin ou à l'angle d'un rocher solide. Devant, derrière et tout autour de moi s'élèvent des montagnes entassées sur des montagnes dans une confusion chaotique. Les unes sont mortes et pelées. Les autres montrent quelques traces de végétation, sous forme de pins et de cèdres aux noires aiguilles dont les troncs rabougris s'élèvent ou pendent des rochers. Ici, un pic en forme de cône s'élance jusqu'à ce que la neige se pente dans les nuages. Là, un sommet élève sa fine dentelure jusqu'au ciel. Sur ses flancs gisent de monstrueuses masses de granit qui semblent y avoir été lancées par la main des titans. Un monstre terrible, l'ours gris, gravit les plus hauts sommets. Le carcajou se tapit sur les roches avancées, guettant le passage de l'élan qui doit aller se désaltérer au cours d'eau inférieur, et le bingham bondit de roc en roc, cherchant sa timide femelle. Le vautour noir aiguise son bec impur contre les branches du pin, et l'aigle de combat, s'élevant au-dessus de tous, découpe sa vive silhouette sur l'azur des cieux. Ce sont les montagnes rocheuses, les Andes d'Amérique, les colossales vertèbres du continent. Tels sont les divers aspects de l'Ouest sauvage. Tel est le théâtre de notre drame. Levons le rideau et faisons paraître les personnages.